C'est même pas un faux départ, hein. On est entre nous. Bienvenue sur Pinote, donc Cargo Cult, c'est le sixième rendez-vous déjà de Cargo Cult. Free Feet High on Rising, quel bien nommé titre, quel bien nommé disque. Dois-je préciser qu'il s'agit de le fabuleux premier album de La Soul, paru en 1989? Bah oui, on va en parler beaucoup, on va l'écouter en entier ce disque, c'est un disque long d'ailleurs, hein. 68 minutes. Dans les standards de l'époque, c'est plutôt élevé. D'ailleurs, en fait, le standard de l'époque commençant à devenir, on est en 1989, commençant à devenir le CD, hein, l'industrie du disque, finalement, elle a plutôt envie de pousser le vinyle et vendre des CD. On sait que la capacité d'un CD, elle est largement supérieure à celle d'un vinyle, hein. On passe d'une quarantaine de minutes en moyenne à largement 60, enfin plus de 70 même, 74 étant à l'époque le chiffre clé. Donc De La Soul se charge de remplir un petit peu le disque, mais alors avec quel talent et quel brio. Voilà, un disque que j'ai tellement écouté, je lis en commentaire, un disque qui ne quittait pas ma platine dans les années 90. Oui, vous avez raison, puis c'est exactement pareil chez moi. C'était tout à fait le genre de disque, effectivement, qu'on écoutait rituellement entre amis, en collant les feuilles de Riz Lacroix et en rigolant bêtement et en retournant le disque, encore une fois, parce que c'était formidable. Alors, qu'est-ce qui fait que ce disque, Free Feet High and Rising, d'abord, non seulement est un immense classique du hip-hop, mais reste un classique du hip-hop. L'album n'a pas pris une ride. Le réécouter aujourd'hui est totalement jubilatoire. On y trouve encore des trouvailles totalement fabuleuses. Alors, on va se remettre un petit peu dans le contexte et voir comment De La Soul apparaît et comment ce disque apparaît dans le paysage hip-hop de l'époque. Bon, il est déjà blindé par un label de taille, ça sort chez Tommy Boy. Donc Tommy Boy, c'est un label historique dans l'hip-hop. Les premiers pas électro-hip-hop new-yorkais de Bambaataa, Africa Bambaataa, Joseon Crew aussi, sont là. Hein. Et ça depuis 1981. Donc l'écurie Tommy Boy est une écurie forte, mais en perte de vitesse aussi à partir du milieu des années 80, hein, vers 85-86. D'ailleurs, Warner Bros. Va racheter la moitié du label, du coup, on va perdre un petit peu en indépendance et pas vraiment décrocher de hit avant effectivement le jackpot complet, que va être l'album de La Soul, Free Feet High on Rising, et plusieurs singles qu'on seront tirés. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet étrange? Bah, d'abord, oui. Regardons le disque dans ce qu'on voit dessus en premier, la pochette. Une superposition de fleurs fluorescentes, des textes qui reflètent une espèce de look un petit peu comics, bande dessinée. On est en pleine forme de pop psychédélique, hein, c'est du Flower Power 2.0. Vous me donnez un instant. Voilà, en anglais ça s'appelle un kettle, en français ça s'appelle une bouilloire. Et oui, même la bouilloire ici fait du son. Simplement, je ne voulais pas l'associer à notre discours aujourd'hui, mais peut-être qu'on y reviendra une prochaine fois. Donc voilà, cette esthétique complètement Flower Power, alors à laquelle on trouve la bonne bouille photographiée en noir et blanc des trois membres de La Soul, là, quelque chose comme ça, complètement désinvolte, arty, néo-hippie. Bon, il y a une esthétique aussi un peu à la Gilbert et Georges, hein, et c'est peut-être plus radical qu'il n'y paraît. Ne serait-ce que parce que c'est le Grey Organization, qui sont un combo d'artistes britanniques, qui signent la pochette. Et ce n'est pas des artistes qui sont réputés pour leur convivialité, finalement. Même si ils embrassent de temps en temps l'industrie du disque pour réaliser des pochettes, des clips, hein, ils ont même fait le truc avec les Stones, donc voilà. Mais on n'est pas non plus dans quelque chose de strictement... strictement baba cool, parce que c'est finalement une étiquette qui va coller pas mal à De La Soul, cette espèce de pied nickelé du hip-hop, avec des pseudos déjà qui prêtent à rire, quoi. Donc l'un s'appelle Chugoy, qui est en fait le verlan de yogurt, voilà, Chugoy, yogurt, Postnios, qui est aussi un anagramme, c'est le Sound Soap, voilà, et Massio, lui, qui semble un pseudonyme plus convenable, quand bien même c'est pas du tout le vrai nom de son auteur. Donc voilà, ces trois galurons, ces trois pieds nickelés se forment à Amityville, c'est leur ville d'origine, c'est une petite ville en fait, hein, qui est dans l'état de New York, à Long Island, en 88. Et à peine un an après, le groupe triomphe. Donc c'est rien comme temps de carrière avant d'arriver à être aussi important qu'il soit. Alors comment ça se fait? C'est même un peu miraculeux, et à mon avis ce miraculeux vient d'un quatrième membre. Il vient de celui qu'on voit pas, mais celui qui fait tout, c'est le DJ producteur. Prince Paul. Et Prince Paul, lui, est déjà repéré, notamment avec le groupe Stetsasonic, qui est peut-être le premier, hein, à partir de 84-85, va inclure des éléments parfois hors contexte d'une culture strictement hip-hop et les codes funk de l'époque. Enfin, faut se rappeler qu'au début des années 80, on va puiser dans le grand grimoire du funk, évidemment, des phonèmes et morphèmes scandés par James Brown, puis viendra aussi ce George Clinton, emprunté à l'univers P-Funk, hein, par la main, le funkadelic. Donc, dans la mesure où le sampler, à cette époque-là, est finalement une forme de grand magnétophone, hein, c'est comme le ghetto blaster qu'on porte à même l'épaule, voilà, on y met du jus, comme ça, très identifié, quoi, finalement. D'où cette notion quasi-linguistique de morphène appliquée, comme ça, au hip-hop. Mais évidemment, il y a des têtes chercheuses qui, très vite, vont aller chercher, justement, là où on n'avait pas été cherché. Et Prince Paul, déjà dans les balbutiements de ça, avec Stetsasonic, il est encore étudiant, d'ailleurs, à une école de musique, quand son professeur, qui était batteur chez les Isley Brothers, décide de le présenter à De La Soul. Voilà. Et en très peu de temps, va naître l'album dont on va parler aujourd'hui. Alors, quel album, évidemment. Déjà, 24 titres le composent. C'est énorme, c'est absolument énorme. Mais beaucoup de ces titres sont des interludes, en fait. Des collages qui font une à deux minutes, même moins, hein, parfois. Et tout ça procure au disque une atmosphère complètement théâtrale, complètement radiophonique, un théâtre pour l'oreille, donc littéralement un Hörspiel, comme le disent les Allemands. Alors, Hörspiel, c'est un terme qu'on applique facilement à la musique contemporaine, à la musique électroacoustique, quand elle va travailler main à main avec la radio. Et c'est assez fréquent, ça a donné des belles œuvres. Mais évidemment, qui oserait associer Hörspiel d'une tradition comme ça extrêmement moderniste ou avant-gardiste avec le hip-hop, quand bien même il se veut aussi radical et moderne alors. Mais oui, et en fait, on peut. Et y a ce disque, finalement, est le parfait négatif d'un autre disque extrêmement important qui va paraître un an après. Et ma foi, pour les fidèles de Cargo Cult, ils reconnaîtront le premier disque dont j'ai parlé dans cette série. C'était le Fear of the Black Planet de Public Enemy. Et tout en étant en parfait négatif l'un de l'autre, finalement, ces deux disques usent des mêmes armes, mais pas de la même manière. Alors ces armes, avouons-le, sont le sample, évidemment. Et là où chez Public Enemy, on pouvait parler de samples kaléidoscopiques, empilés les uns sur les autres, comme ça, jusqu'à créer un mur du son où la citation elle-même disparaît, on est avec Three Feet High and Rising, en 1989, donc un an avant, hein, sur un sample très narratif, avec une lecture horizontale, comme le sont finalement traditionnellement les emprunts samplistiques. Mais il y a dans cet album quelque chose de, je pense, complètement nouveau, et que j'appellerais un peu un sample phylactère. Le phylactère, c'est les bulles en bande dessinée, ces bulles de comics qui apparaissent. Zip, zap, boum, wing. Ouais, oui, je viens faire un tour dans mon comic strip. Le disque de La Soul et le traitement de Prince Paul est exactement dans ce ton-là. Et s'ajoute à ça des samples de sketch et de comédie, donc qui n'ont a priori rien à voir avec l'univers de la musique, ou encore des emprunts à des disques pédagogiques, alors notamment l'inénarrable « Il est midi, quelle heure est-il ?» L'heure de manger. Voilà. Et ça, c'est emprunté à un disque pas même identifié, évidemment, mais qui donne un ton aussi sûrement, finalement, qu'un emprunt de James Bond ou d'autres samples très évidents qui vont composer ce disque. Alors, justement, parmi ces samples, je pense au groupe Simon Day, par exemple, Steely Dan, et qui sera d'ailleurs dûment crédité comme co-auteur du titre, parce que le sample est tellement évident pour le titre Peg, On a aussi Daryl Hall et John Oates pour leur célèbre I Can Go For That. On reconnaîtra le sifflet d'introduction de Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding. Voilà. Mais alors, il y a aussi une armée de samples, des samples un peu qui l'eût cru. Bob DeRose, par exemple. Voilà, alors Bob DeRose, déjà, c'est quelqu'un qu'il faut aller chercher parce que tout le monde l'ignore. C'est un Tom Waits sans les tessons de bouteille, 30 ans avant, et avec un maximum de crédibilité et beaucoup moins d'opportunisme. Bob DeRose avait chanté auprès de Miles Davis, mais plus tard, dans les années 70, il a, pour faire un petit peu d'argent d'ailleurs, participé à un disque pour gosses, quoi, avec ce fameux « Free is a Magic Number ». Et vous allez voir, très vite, c'est un des morceaux les plus identifiables de l'album, qui repose complètement, enfin, sur ce phrasé de Bob DeRose. Alors pareil, dans une culture complètement blanche et encore plus propre sur elle, il y a des emprunts à Billy Joel, aux Turtles, et même Liberace. Alors Liberace, ben, c'est ce pape du kitsch, vous savez... figure quimpe absolue, un croisement totalement improbable entre Barbara Catland et Patrick Juvet, vous voyez, on en avait un en France comme ça, qui jouait du piano comme ça pour mamie, j'ai oublié son nom, mais Richard Clayderman, le Richard Clayderman version américaine, c'est Liberace. Il était immortalisé d'ailleurs dans un film du même nom que je vous recommande. Voilà, et Liberace, je vous le promets, parce que j'ai pu le vérifier finalement, et merci d'ailleurs aux Diggers qui en ligne font des efforts absolument incroyables pour aller chercher la source précise, on l'entend deux fois. On l'entend d'abord dans « And now I'd like to return to the classics », qui est une figure d'introduction de l'album qui, pareil, signe « Three Feet High and Rising » absolument magnifiquement. Mais on l'entend aussi dans un espèce de piano totalement déglingué. Il fait « tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, tink, donc une figure anti-virtuosité, évidemment, par quand même Liberace, qui tout en étant un pape du kitsch, avait quand même joué du piano. C'était un piano absolument chiant et mielleux, mais c'était quand même un joueur de piano. Voilà, alors dans ce grimoire du sample, oui, évidemment, des figures aussi incontournables et dont on reconnaît l'emprunt totalement aisément. J'avais cité James Brown, évidemment, leur Sly Stone, les Blackbirds. Et puis, James Brown notamment. Alors, il samplait plusieurs fois, mais il y a un titre, le seul morceau Freedom of Speech, emprunte trois morceaux de James Brown sur moins de 3 minutes. Et c'est volontaire. Il y a cette volonté comme ça d'être un peu outrancier, finalement, dans le truc. Voilà. Alors, il y a d'autres rappeurs aussi qui sont plaisants, notamment pour leurs injonctions. Public Enemy, évidemment, alors les frères ennemis, si on veut bien, les Beastie Boys. Voilà. Donc, la liste est énorme. Hein. Autant de vous le dire, je vais m'arrêter là, mais je peux vous renvoyer en ligne sur un excellent clip. Every Sample from De La Soul, Three Feet High and Rising. Le truc dure un quart d'heure et je crois qu'ils les ont à peu près tous mis. Je sais quand même qu'ils en ont oublié un. Voyez, on trouve toujours un peu à Diggers et demi. Voilà. Cette ère du sample, comme je l'avais dit précédemment, c'était justement quand je parlais de Public Enemy, va s'arrêter dans l'année qui suit. C'est-à-dire, ce sample à tout va, ce sample à tout craint, à cause de problèmes de clearage notamment, va connaître sa propre limitation. Le disque de Three Feet High and Rising va bien sûr connaître aussi son procès par le groupe The Turtles. Les Turtles, qui a été le paradigme quand même du groupe un peu baba cool, gentil, qu'on aimait à la fin des années 60, s'est avéré des vieux cons revanchards, qui ont porté plainte parce qu'on leur avait détourné un track, qui est celui qu'on entend sur justement Il est midi, live transmitting from Mars. Et il s'avère, alors attention, le groupe va effectivement gagner son procès, mais il est avéré qu'ils ne sont pas l'auteur du titre qu'ils défendent. Alors non seulement ils n'en sont pas l'auteur, mais c'est une reprise des Byrds. Les Byrds, ce n'est pas du tout un groupe inconnu. Voilà, c'est c'est les lois américaines, etc. Ça n'a pas mis le groupe sur la paille, cela dit, ça n'a pas empêché le disque de connaître un succès absolument phénoménal. Mais voilà, ça mettait quand même l'accent sur les stratégies, contre-stratégies et tous les enjeux de pouvoir financier qu'il pouvait y avoir autour du sample et ces stratégies du sample. Parce qu'effectivement, la pratique sortait largement de l'underground. On arrivait à des disques qui se vendaient très très bien, avec une dose de popularité qui ne s'est pas démentie depuis. C'est le cas de la soul avec Free Fruit Side on Rising. Voilà. Je vais vous abandonner maintenant. On va écouter ces 68 minutes hein, sans discontinuité. On se retrouvera juste après. Donc, bienvenue dans ce hip-hop baba cool hein, où De La Soul introduit son concept du Daisy Age. Voilà, donc rappel à cette pochette constellée comme ça de fleurs, de marguerites fluorescentes et puis de typographie comme ça proche du comics. Un pur bonheur auquel je suis absolument content de vous convier ou de vous reconvier parce que c'est un album qui évidemment est dans l'histoire et pour un moment, 31 ans jour pour jour. Voilà. Bonne écoute et à tout à l'heure. Hey, all you kids out there, welcome to 3 Feet High and Rising. Now, here's what we do. The following contestants, how are you doing, contestants? All right. So, fellas, tell us a little bit about yourselves. Contestant number one. How you doing, Al? Just came all the way down from Wichita just to be on this show. You know it's gonna be swell, and I want to win all the money. Want to win all the money. See ya. All right, contestant number two. My name is BMS. I'm from Australia, and I'm blood red to be here. Okay, contestant number three. Hello, my name is Plug One, and let me tell you a little bit about myself. I like Twizzlers, and I like the Alligator Bob, and my favorite drama movie is Bloodsucking Freaks, just like your mama. Okay, and contestant number four. Hello, my name is Prince Paul. I just glad to be on the show. Thank you. Okay, now we've met our contestants, let's get to the game. I'm going to ask an amount of 4 questions, and you'll try to answer them correctly. Now you out there in the audience can answer along with them. How many feathers are on a Purdue chicken? How many fibers are intertwined in a shredded wheat biscuit? What does touche et lele poo mean? How many times did the Batmobile catch a flat? Now that we know the questions, we'll let the contestants think them over and we'll return right after these messages. Three, that's a magic number. It is. It's the magic number. Three. Somewhere in this hip-hop soul community was born 3 Mace Dub and me, and that's the magic number. What does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing 3 parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase in Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. Y'all in your Quebec that the action's not a trick, but show me the function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of 3, and that's the magic number. 3. This here piece of the pie is not dessert, but the course that we dine in. 3 out of every darn time, the effect is when a daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing. Where that negative number fills up your casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner. Maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my 1 and 2, where would there be my 3 Mace Posse me? And that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls who flaunt style gain praises by pounds. Comment on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dub and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one. What is it? One, two, three. And that's a magic number. I wish my cousin Nag was here. He knows these things. No, I'm sorry, I don't. everybody in the world, you have dandruff. Dante is a scrub. And he's not getting a haircut either. Scrub. Access to her code. Love struck was my mode. Took a look, dropped my textbook, Jennifer. Oh, breakfast, broke it fast. She was in my English class. Asked for notes, rocked my boat, Jennifer. Oh, Jenny, lost her favorite penny. So I gave her a dollar. She kissed me and I hollered. In a flash, the school bell rang. Jenny grabbed onto my hand, took me home and said, "True gorgeous, swing it, swing it, swing." The downstairs, where we met. I brought records, she cassettes. Lost the break, found her shape, Jennifer, oh Jenny. Transcripts show more than flirt. I love daisies, read her shirt. Grab my jeans, Jimmy screamed, Jennifer, oh Jenny. Morals shaped like a boss. No one can live their life apart. Found a house, aroused my joust, Jennifer, oh Jenny. Her clothes, I just shuck. Just like Dan, I strictly stuck. To the punt, she cried, kick it, pasta noose was in. Jenny, only thought about Jenny, but asked was I a virgin, like some kid in Derwin? She said, let's try it in the bathroom, but the noose is way above sinks. So to the kitchen, she did Dan and came back, wrapped us and ran. Now wait a minute! Little Derwin got something to show us that Jenny can never do. Listen. Hey, look at little Derwin. Look at him go, look at him go. Oh, baby. Positions, muscles flow.